Chapitre 2e. Au moment où Artabas, après avoir traversé à la hâte le Vélabre, s'engagea sur le pont du Tibre qui conduisait à la voie aurélienne, le soleil disparaissait du côté d'Ostie dans un embrasement général. On voyait flamboyer en un vaste demi-cercle, du Quirinal à l'Aventin, les terrasses des maisons romaines garnies toutes de tuiles rouges, et sur les eaux du fleuve, plus calmes et plus claires qu'à l'habitude, se prolongeait une large bande de pourpre semblable au laticlave qui bordait la toge des sénateurs de la République. Mais le Carthaginois était incapable de goûter pleinement la scène qu'il avait sous les yeux, et son âme superstitieuse ne vit là qu'un spectacle en harmonie avec les idées de vengeance et de meurtre qui l'occupaient tout entière. L'incendie qui dévorait les toits de Rome lui parut venant de l'Occident comme le présage du feu véritable qu'allait bientôt y apporter les soldats d'Hannibal, et quand il se pencha par-dessus le parapet pour regarder le fleuve, il lui sembla qu'un ruisseau de sang coulait au milieu même du Tibre. En proie à une sorte d'hallucination qu'augmentaient encore les reflets du soleil sur les eaux miroitantes, il saisit l'enfant qu'il avait déposé à ses pieds comme un paquet gênant et l'atteint suspendu au-dessus de l'abîme. Mais avant de la précipiter dans la mort, il voulut repaître encore une fois ses yeux de la vue de son innocente victime, et il approcha ses traits convulsés et grimaçants du tendre visage de Gala, déjà pâli par la souffrance avant même que le premier jour de vie se fût passé pour elle. La petite fille, sans pousser un cri, sans même paraître effrayée des yeux ardents que son bourreau fixait sur elle, étendit les mains et les passa doucement sur les joues rudes du Carthaginois. Ce ne fut qu'une caresse bien légère, à peine sensible, mais elle suffit pour réveiller dans le cœur d'Artabas, si avili qu'il fût par la captivité et les coups, les bons sentiments qui y dormaient encore. Tout fut oublié, et la honte de l'esclavage subi, et les haines goutte à goutte amassées, et les âpres désirs de vengeance, longtemps couvés dans l'horreur silencieuse des cachots. Il ne resta plus en présence qu'un homme semblable à tous les autres, et une infortunée petite fille abandonnée par ses protecteurs naturels, et n'ayant désormais de secours que dans la pitié d'un esclave noir, aussi délaissé et aussi misérable qu'elle. Le Carthaginois frémit au changement qui se faisait malgré lui dans son cœur. « Oh, Hannibal » murmura-t-il tout bas avec passion, « en suis-je donc venu là qu'il me faille épargner cet enfant de louve ?» Pourtant, il reprit Galla sur ses bras et, laissant derrière lui le Tibre, il se dirigea vers la campagne. La nuit tombait rapidement sur la voie aurélienne où il était entré, et il marchait, embarrassé, sans savoir quelle partie prendre et en quel endroit s'arrêter. De chaque côté de la route, pavés de larges dalles, se dressaient, suivant l'usage antique, les tombeaux des principales familles de Rome, et aux lueurs rougeâtres du crépuscule, Artabas pouvait y lire en passant les pompeuses épitaphes où l'illustre origine et les exploits militaires des défunts parlaient encore plus haut que leurs vertus privées. Celui-ci, c'était un Fabius, avait été édile et prêteur, et qui sait l'avenir qui lui eût été réservé sans un funeste coup d'épée qu'il avait reçu entre la seconde et la troisième côte à la bataille de Cannes. « Il est peut-être mort de ma main », pensa avec satisfaction Artabas, qui avait assisté à cette bataille du côté des vainqueurs. Celui-là, dont le cénotaphe colossal couvrait d'ombre la longueur de la route, c'était un Cornelius. Sa tombe était là et ses héritiers n'avaient pas lésiné sur la dépense, mais son corps était absent. À la suite d'une bataille navale, près des îles de Lipari, où ce Cornelius, atteint du mal de mer, n'avait pu utilement combattre, il avait servi de pâture aux poissons de la mer tyrrhénienne, habitués depuis quelques années à manger du patricien romain. Un troisième, un certain Sellius, questeur de Marcellus, était tombé dans une embuscade lâchement tendue la nuit par les Carthaginois au bouillant général. Un autre, Titus Quinctius Gloriusus, avait été consul et le disait en lettres assez grosses pour qu'il fût difficile à Artabas de l'ignorer, malgré les ténèbres qui tombaient sur la plaine. Tous avaient été soldats, tous avaient lutté dans la mesure de leurs forces contre le terrible ennemi venu d'Afrique. La plupart y avaient péri de maladies et de blessures, et malgré l'emphase des inscriptions funéraires, c'était après tout des cœurs vaillants qui dormaient sous ces pierres blanches, éparses dans la campagne, après avoir battu pour le salut de Rome et la grandeur du nom romain. Mais Artabas, sombre et farouche, fuyant avec son fardeau à travers l'ombre qui devenait de plus en plus épaisse, jetait en passant une malédiction en langue punique à tous ces glorieux soldats tombés pour une autre cause et une autre patrie que la sienne. À la fin, et comme il marchait depuis une demi-heure, il s'arrêta devant la concession perpétuelle que le sénateur Pudentius avait récemment acquise pour lui et pour ses proches. Il y avait là une construction massive, en forme de tour, d'une dizaine de mètres environ de hauteur. Artabas, qui la connaissait de longue date, pour y avoir travaillé à la sueur de son front pendant bien des semaines, la salua de ses ricanements. « Tiens, dit-il, petite Galla, voici le tombeau de ta famille. C'est dommage que la nuit soit déjà si profonde. Tu pourrais admirer la demeure confortable que s'est fait bâtir ton cher papa. Il aurait voulu faire une prison, il n'aurait pas mieux réussi. Par Baal et Moloch, quand donc y sera-t-il pour toujours avec sa lignée de bêtes fauves et sa race tout entière? Mais ne pleure pas, enfant, ne pleure pas. Ce n'est pas encore là que je vais te laisser. Les vivants de ta famille t'ont renié, les morts ne t'auront pas. Allons plus loin. » À quelques pas au-delà du mausolée de Pudentius, sur la gauche de la voie aurélienne, se dressait, ombragée de quelques vieux noyers, une chapelle consacrée à Vesta. L'édifice, contemporain des arbres qui l'entouraient, était à peu près abandonné. Seuls quelques paysans des alentours, respectueux de la tradition, venaient, à certaines époques de l'année, y faire offrande à la déesse de laitage et de fruits. Elle agréait leurs vœux, et comme ils étaient modestes, il était rare qu'elle ne les exauçât pas. C'est sur les marches disjointes et vernies par la mousse de cette vieille chapelle qu'Artabas se décida à abandonner la petite fille. Mais il ne le fit pas sans adresser une courte prière à la divinité du lieu. « Vesta, dit-il, puissante déesse, divinité protectrice des Kyrites et du peuple romain, c'est un étranger, un barbare, qui t'implore pour une fille de cette race que tu défends, mais que je méprise et que je hais. Chassée de sa famille, écartée du sein même qui lui a donné naissance, elle vient chercher au pied de tes autels l'asile que lui refusent ses propres pénates. Accueille-la avec bonté, ô déesse, protège sa frêle existence aussi bien contre les intempéries de l'air que contre la dent des bêtes féroces. Que ta main secourable la sauve de la mort et lui procure un foyer en échange de celui qu'elle a perdu. Mais y fasse en même temps de son cœur, ô Vesta, la dureté et l'orgueil qui a mis le sang patricien d'où elle est issue, pour y mettre à la place la bonté, la douceur et la pitié envers les humbles et les misérables. » Ainsi parla Artabas, et la déesse entendit sa prière. Au moment où il had déposé l'enfant devant la chapelle, les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes, une flamme brilla au fond du saint lieu sur l'autel, depuis longtemps éteint, et les grands noyers qui couvraient d'une ombre épaisse les abords de l'édifice inclinèrent à l'envi leurs feuilles sur le berceau de Galla pour la mettre à l'abri de la pluie qui commençait à tomber. Saisi d'une terreur superstitieuse, le Carthaginois s'enfuit sans regarder derrière lui, pendant que la petite fille, seule en ces lieux déserts, au milieu des ténèbres, appelait au secours de sa voix de nouveau-née plaintive et lamentable. Au loin, les bruits de la grande ville s'éteignaient peu à peu et les loups d'Étrurie hurlaient dans la montagne. Mais Vesta n'avait pas fait une vaine promesse. Un quart d'heure s'était à peine écoulé depuis le départ d'Artabas que la route silencieuse sonna sous les pas d'un cheval. Le bruit, d'abord éloigné, se rapprocha bien vite et au trot du cheval, sur les larges dalles de la voie aurélienne, se joignit le grincement d'un essieu mal graissé. C'était un paysan, nommé Rusticus, qui revenait en charrette avec sa femme Rustica du marché des Nindines et qui s'était contre son habitude attardé à Rome au-delà du coucher du soleil. La pluie tombait avec force sur la vanne qui recouvrait la voiture. La nuit était sombre et les mauvaises rencontres possibles. Le paysan, peu soucieux de risquer dans un combat nocturne son gain de la journée, se hâtait vers son logis, situé au village le plus proche, et déjà il dépassait la chapelle de Vesta sans avoir entendu les vagissements, devenus de plus en plus faibles, de Galla, quand un accident heureux le força de s'arrêter. Son cheval, effrayé par les branches d'un gros noyer qui surplombait la route, fit un écart. « Passe-moi le fouet, femme, » dit Rusticus. La femme obéit, mais dans sa précipitation laissa tomber le fouet sur la route, et Rusticus, qui n'était pas toujours un mari commode, se fâcha. « Voilà bien les femmes, » dit-il, « elles n'en font jamais d'autres, habiles à parler, maladroites pour agir. Eh bien, quand tu resteras là, comme le dieu terme, Crois-tu que Mercure va descendre du ciel pour te ramasser ton fouet? Allons, vite à terre et dépêchons. Je n'aime pas cette heure de la nuit être si près d'un bois. » En même temps, il arrêta son cheval et Rustica descendit sans répondre. Elle allait remonter, après avoir rendu le fouet à son mari, quand la petite Galla, qui s'était tue un instant, recommença à se plaindre. « Rusticus, » dit la paysanne émue et presque effrayée, « Rusticus, entends-tu ?»« Et que veux-tu que j'entende, Parpolux ?» répondit le mari d'un ton bourreux. « J'ai le vent qui me siffle dans les oreilles, et c'est bien assez, je suppose. » Une seconde plainte, venue du bois et plus navrante que la première, traversa l'air. « Cette fois, » dit Rusticus, « j'ai entendu. C'est un chat abandonné qui miaule. Allons, vite en route. » Mais Rustica ne l'écoutait plus. Elle avait pris la lanterne qui éclairait le devant de la voiture et s'était hardiment enfoncée sous la voûte sombre des noyers. À peine avait-elle fait quelques pas qu'elle découvrait sur les marches du temple le berceau où l'infortunée Galla se mourait de froid et de faim. À cette vue, son cœur de femme se fondit de pitié. Elle enleva l'enfant dont le petit corps transi n'avait plus sans doute que quelques instants à vivre, et elle revint en toute hâte vers son mari qui n'avait pu quitter sa voiture mais qui l'appelait d'une voix rude. « Rusticus, » dit-elle en lui présentant sa trouvaille, « regarde, je le pensais bien, c'est un enfant. » C'est une pauvre petite fille abandonnée qui se plaignait et que les loups auraient mangé sans doute si je n'avais pas laissé tomber le fouet. Vois comme elle est gentille. Elle a déjà des cheveux, la chérie. Bien qu'elle n'ait pas, je le jurerais par Junon, plus d'un jour ou deux. Mais comme elle a froid, ses menottes sont toutes violettes. Comment une mère peut-elle avoir le cœur d'exposer son enfant? Mais ne crains rien, mignonne. Te voilà sauvée pour cette fois. Par Hercule, dit Rusticus, cette femme radote. « Crois-tu que nous soyons assez riches pour accueillir tous les enfants trouvés du pays ?»« Non, sans doute, pas tous, » répondit Rustica, qui n'avait pas l'habitude de tenir si longtemps tête à son mari. « Mais celle-là, c'est autre chose. Elle est si jolie. Regarde comme elle a de beaux yeux noirs. »« Voilà bien une raison de femme, » dit Rusticus. « Mais assez parlé, je tombe de sommeil et nous avons perdu trop de temps ici. Fais-moi le plaisir de remettre cet enfant à l'endroit où tu l'as prise ou je te laisse avec elle. » « Parles-tu sérieusement, Rusticus ?»« J'ai dit. » De grosses larmes tombèrent des yeux de la paysanne. À la lueur de la lanterne, elle regarda tour à tour la petite fille qui souriait maintenant et le visage dur de son mari. Abandonner l'une lui semblait aussi impossible que de ne pas obéir à l'autre. Alors, désespérée, elle s'agenouilla sur les dalles, souillée de boue, de la voix aurélienne, et là, sans prendre garde à la pluie qui tombait toujours, elle tendit d'un geste passionné suppliant les bras vers Rusticus. « Oh, mon époux, voilà bientôt 10 ans que tu m'as passé l'anneau de fer au doigt en présence du Flamine. Depuis 10 ans, tes plaisirs ont été les miens, tes douleurs ont été les miennes. Pendant ce long espace de temps, n'ai-je pas été pour toi ce que la femme doit être pour son mari, une compagne dévouée, laborieuse et soumise ?»« Je ne puis dire le contraire, » murmura Rusticus. N'ai-je pas toujours été la première levée pour préparer tes repas et coucher la dernière pour mettre en ordre tes habits et apprêter le travail du lendemain ? Tu dis encore vrai, Rustica. Quand le censeur, il y a 3 ans, t'enrôla dans la grande levée contre Hannibal, n'est-ce pas moi qui ai fait les semailles à ta place et comme tu tardais trop, n'est-ce pas moi qui ai recueilli la moisson ? À quoi bon rappeler tout cela, femme ? Dit le paysan un peu confus. Mais la paysanne, toujours agenouillée, continua. « Quand la fièvre des marais te terrassa il y a quelques mois, n'ai-je pas nuit et jour veillé à ton chevet, heureuse d'accomplir mon devoir envers l'époux qui m'a choisi ?»« Par Jupiter, femme !» s'écria le paysan ému, sous sa dure écorce, par les souvenirs que lui rappelait Rustica. « Par Jupiter, tu as toujours été le trésor de notre ménage, et que je meure s'il m'arrive de l'oublier jamais !»« S'il en est ainsi, » reprit la paysanne, « accorde-moi la grâce que je te demande. » Depuis que j'ai mis ma main dans la tienne, Junon m'a toujours refusé le bonheur d'être mère, mais je vois bien maintenant que les dieux, en n'exauçant pas nos prières, ont leur secret dessein, et je ne me plains plus puisqu'ils me rendent aujourd'hui même la possibilité d'être heureuse. » Rusticus était vaincu. Il descendit de la charrette où il était resté assis jusque-là, et allant à sa femme, il lui donna la main pour se relever avec une sorte de cordialité affectueuse, que les maris romains du temps ne témoignaient que bien rarement à leur épouse. « Qu'il soit fait ainsi que tu le désires, » « Oh, Vesta, j'adopte cet enfant et je te la consacre. Puisse ta protection s'étendre sur elle et lui donner à l'avenir d'heureux jours. » Comme il parlait, un éclair fendit la nuit à sa droite. Heureux de ce présage, il remonta dans la voiture avec sa femme. L'enfant fut soigneusement placé à l'abri des cahots entre les deux époux, et le cheval, la tête haute, comme s'il eut conscience de la trouvaille précieuse que venaient de faire ses maîtres, reprit sa course vers l'écurie en martelant avec plus d'ardeur que jamais les larges dalles de la voie aurélienne.